2022 avec le GSA et Fadjet. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fadjet 94.2. Alors, je vais commencer tout d'abord par vous souhaiter une très bonne année 2022 et le plus important, bien sûr, la santé. Soyez vigilants et prenez soin de vous et des autres. Et c'est parti les amis, on se retrouve avec la Dream Team pour une nouvelle émission qui vous est proposée par le groupe solidaire actif de l'association Arelia. Alors ce mois-ci, nous allons chacune et chacun vous donner nos bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Mais pas que, il y aura des bons conseils, des infos et des bons plans pratiques et des chansons. Et nous commençons l'émission avec notre geek Loïc qui nous présentera 3 films et 2 livres. Ensuite, nous accueillerons Damien qui viendra nous parler de remise en forme, surtout après les fêtes, ça sera bien utile. Ça sera ensuite au tour de Mélissa qui va nous donner quelques conseils pour commencer l'année dans de bonnes conditions. Puis nous retrouverons Lionel qui va nous donner quelques infos sur le Covid. Et Lionel reviendra pour sa fameuse chronique « Les anniversaires de nos stars préférées ». Vous voyez les amis, le programme est bien chargé. Et c'est maintenant au tour de Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Alors tu as passé de bonnes fêtes ? Oui, très bonne en famille, ça fait du bien. Ah bah super. Pro spécialiste de la culture geek, quelle est ta bonne résolution ? Eh bien cette année, j'ai décidé de plus m'aventurer dans le monde de la culture. Et de ce fait, je vais vous présenter une chronique qui s'appellera désormais Culture Geek. Mais vous allez me dire, un geek c'est une personne qui aime uniquement les jeux vidéo ? Eh bien je vous réponds que ce n'est pas la définition exacte. Un geek c'est une personne qui peut aimer uniquement les livres ou les films. C'est aussi un style vestimentaire. Et oui. Bien, maintenant, attaquons cette chronique où je vais vous présenter 3 films et 2 livres du mois de janvier. Le 5 janvier 2022 est sorti un film exceptionnel, une véritable comédie dramatique. En attendant, Bojangles, réalisé par Régis Roinsart, avec Virginie Efira et Romain Duris. Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Monsieur Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte. Que va faire Camille ? À vous de le découvrir, actuellement au Kinépolis et à l'UGC. Il y a 2 jours de cela, un film très émouvant est sorti au cinéma, La leçon d'allemand, réalisé par Christian Schfauchau, avec Ulrich Noethen et Tobias Moretti. Dans l'isolement de sa cellule, Ziggy Jepson se remémore la période qui a fait basculer sa vie. En 1943, son père, officier de police, est contraint de faire appliquer la loi du Reich à l'encontre de l'un de ses amis d'enfance, le peintre Max Nonsen. Ziggy remet alors en question l'autorité paternelle et se donne pour devoir de sauver Max et son œuvre. Mais que va-t-il se passer réellement ? Réponse actuellement au cinéma Caméo à Nancy. Mon coup de cœur côté film se nomme « Le sommet des dieux ». Il s'agit d'un animé réalisé par Patrick Imbert, rendant un très bel hommage aux alpinistes de l'extrême. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest le 8 juin 1924 ? 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Abu, un alpiniste que l'on pense disparu depuis des années et qui connaîtrait la réponse à cette question. Il va alors découvrir un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles. Embarqué dans un voyage ultime vers le sommet des dieux à partir du 19 janvier dans les salles du Caméo à Nancy. Il est temps de sortir du monde du cinéma et d'embarquer pour nos belles plumes de la littérature. Je vais commencer par un roman qui est sorti le 3 janvier, Un parfum de grâce, écrit par Aurore Dumas. Quelle n'est pas la stupéfaction de Solange en découvrant, à la mort de son oncle, que sa cousine Irène avait contracté mariage juste avant de disparaître 9 ans plus tôt. L'union avec Damien Monestier, fils d'un parfumeur de grâce, avait beau ne pas être valable, cela la bouleverse, elle qui a toujours été si rationnelle. C'est alors qu'elle accepte de se rendre dans les Alpes-Maritimes pour rencontrer le veuf au cœur de glace et sa famille afin de faire la lumière. Mais que va-t-elle découvrir ? Aurore Dumas nous livre une véritable histoire remarquable dans la Provence, telle que nous la connaissons, mais en 1878. Et enfin, pour terminer cette chronique, je vais vous parler d'un livre qui est sorti le 5 janvier, « Le loup et la colombe », écrit par Kathleen Woodiwiss. Après la défaite du roi Harold, Guillaume le Conquérant et ses soldats normands avancent en Angleterre en pillant et brûlant tous les villages sur leur passage. Wulfhar, ami et lieutenant de Guillaume, pénètre dans le manoir de Darkenwold et fait face à une délicate et belle fille, Eslin. Cette rencontre va basculer le destin des deux personnages. Kathleen Woody-Wiss fait part d'une romance particulière à travers ce nouvel écrit de sa part, mais je suis sûr que sa plume saura conquérir les yeux. Quant à mon coup de cœur côté littérature pour ce mois de janvier, ce sera une surprise à découvrir lors de ma deuxième chronique dans cette même émission. Eh bien, merci Loïc. En tout cas, ça a l'air super intéressant. On te retrouve tout à l'heure dans l'émission. À tout à l'heure. Et c'est au tour de Damien. Salut Dams, comment tu vas ? Bonjour Laetitia, et toi, comment ça va ? Ça va, alors t'as passé de bonnes fêtes de fin d'année ? Ouais, super. Mais du coup, là, j'ai des bonnes résolutions. Ah bah vas-y, on t'écoute alors. Alors, je vais t'expliquer comment bien reprendre le sport après les fêtes. Alors, Noël est passé, et le réveillon aussi. Ce fut l'occasion de déballer des cadeaux, de revoir la famille et les amis, et de se reposer, mais également de faire quelques excès, bûches, chocolat, foie gras et alcool, avec modération bien évidemment. Mais maintenant, il est temps de se relancer dans une activité sportive. Alors, il faut reprendre le sport en douceur. Alors, pour reprendre le sport, il faut se motiver. Tout le monde le sait, le mental est aussi important que le physique. Et ça marche dans les deux sens. Le corps et l'esprit s'influencent mutuellement. Il faut donc se motiver, car les dernières semaines de l'année sont plutôt dédiées à d'autres activités plus ou moins plaisantes. Il faut donc se forcer un peu et se souvenir de notre bien-être lorsqu'on pratique régulièrement. Sans toutefois tomber dans le panneau. Après plusieurs jours d'arrêt et d'excès, impossible de repartir de là où on s'est arrêté. L'activité sportive, oui, mais en douceur. Le risque majeur après les fêtes, si on ne fait pas attention, c'est la blessure. On va donc réduire la cadence et l'intensité de l'effort. On court un peu moins vite et un peu moins longtemps. On prend des poids plus légers pour la musculation. Bref, on y va doucement. Ne vous inquiétez pas, au bout de quelques séances, vous retrouverez votre forme d'avant les fêtes et vous pourrez alors recommencer à vous dépasser. De la même manière, il ne faut pas oublier que vos muscles ont un peu oublié de faire de l'exercice. Évitez les courbatures et on se concentre sur l'échauffement, auquel on prête un peu plus attention qu'à d'habitude. Quitte à s'échauffer un peu plus longtemps. Et surtout, il faut le boire pendant et après l'effort. Là aussi, on peut avoir tendance à oublier, puisque les mauvaises habitudes sont les premières à refaire surface. Il est important de retrouver une alimentation saine. Le principal excès lors des fêtes de fin d'année se trouve au niveau de l'alimentation. L'alcool est bien présent sur la table, alors qu'il est très mauvais pour le corps et les mets sont loin d'être diététiques. Personne ne vous en veut si vous avez cédé. Mais il est désormais temps de reprendre et de retrouver une alimentation saine et équilibrée. La reprise du sport après les fêtes, risque d'être encore plus compliqué si on ne travaille pas sur ce point. On va donc préférer des soupes de légumes pour leur richesse en eau et en vitamines. On laisse de côté les aliments gras et on remet des protéines dans son assiette. Mais là aussi, on y va doucement. Si le reste de saumon fumé dans le frigo vous fait envie, inutile de le jeter, ça sera quand même dommage. Eh bien, merci Damien pour tous ces beaux conseils, surtout après les fêtes, ça va être très utile. Et tout de suite les amis, il est temps de faire notre première pause musicale avec le titre Wake Me Up. Et on se retrouve juste après. êtes bien sur Fadjet 94.2 et on se retrouve avec la Dream Team pour la suite de l'émission. Et là, nous accueillons Mélissa. Bonjour Mélissa. Hello Laetitia, bonjour tout le monde. Comment tu vas ? Ça va, merci. Et toi, est-ce que tu as passé de bonnes fêtes ? Ouais, super, les fêtes, ça a été. C'est vrai. Est-ce que tu as une bonne résolution à nous donner ? Alors les résolutions, je vais vous les donner juste après. Mais moi, c'est vrai que j'en prends pas souvent parce que je les tiens jamais. Oh bah alors. Bon bah alors vas-y, on t'écoute hein, du coup. Alors du coup, je souhaite à tous et à toutes une bonne année 2022 et qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez et que vos projets se réalisent. Donc comme je disais, je vais reprendre quelques petites résolutions que j'ai essayé de suivre durant toutes ces années mais que j'ai jamais réussi. Donc premièrement, au niveau de l'alimentation, parce que c'est la base, je vous propose une petite liste des légumes de saison pour vous faire plaisir. Alors du coup, on a le poireau, la courge, le potimarron, le chou rouge, le chou, la patate douce, l'épinard, la carotte ou encore la pomme de terre. Vous pouvez cuisiner ces légumes comme vous le souhaitez, à la vapeur et quelques épices, en gratin ou même en soupe durant cette fraîche période. Ensuite, on essaye de reprendre une petite activité physique quotidienne, ça serait idéal. Pourquoi pas prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, ou encore, si on prend les transports en commun, essayer de descendre un arrêt plus tôt et de faire le reste du chemin en marchant. Ça peut être sympa et ça nous fera du bien. Enfin bref, toutes les activités physiques que vous souhaitez, et pourquoi pas se remettre au sport par la même occasion. Une à deux fois par semaine, ça serait cool. Bon, cette résolution, c'est pas sûr que je la tienne. Hein. On pense aussi à faire des bonnes nuits, de trouver un rythme de sommeil et un équilibre. Parce que bah, c'est hyper important, et surtout durant l'hiver. Et même si c'est dur de sortir du lit le matin, qu'on a froid, la flemme, on se bouge. Ensuite, niveau organisation, on essaye de tenir un petit planning, que ça soit pour le travail, les tâches ménagères ou encore les choses banales à faire comme les courses. Une petite liste peut vraiment vous aider à arranger votre quotidien et vous aider à ne pas être débordé. Enfin perso, même avec une liste, j'arrive à être en retard dans mes devoirs, donc c'est pas cette année que je vais réussir. Enfin bref, voici quelques petits conseils que je vais essayer de suivre cette année 2022. Sinon, souriez, profitez, soyez positifs, sauf au Covid. Et bonne année à tous et à bientôt. Eh bien, merci Mélissa pour toutes ces bonnes infos qui vont être aussi très utiles, comme celle de Damien, bien sûr. Et c'est au tour de Lionel. Bonjour Lionel, bonne année. Bonjour Laetitia et bonjour à tous les auditeurs de Fadjet. Alors, comment tu vas? Tu as passé de bonnes fêtes? Super, j'étais à la montagne, je me suis régalé. Oh là là, il y en a qui se refusent en rien, dis donc. Hein. Alors pour cette émission, tu vas nous faire quelques rappels pour la Covid, pardon. C'est ça. Et c'est vrai que la pandémie dure maintenant depuis plus d'un an et qu'il faut être prudent face à la Covid. Et actuellement, il est essentiel de bien maintenir les gestes simples et de bon sens pour se protéger. Et tout ça reste nécessaire. Alors, vous savez, la situation sanitaire est pour quelques semaines encore compliquée. Alors, il nous paraît important de vous rappeler les bons gestes de bon sens pour vivre sans problème tout en étant très prudent. Et d'abord, la fameuse règle des 3 M. Masque, mettre, main. Utilisez les masques FFP2, de préférence aux masques habituels. Si vous n'avez que des masques chirurgicaux, prenez-en plusieurs avec vous dans vos déplacements. Un masque chirurgical doit être changé au bout de 4 heures. Le masque FFP2, lui, peut être gardé toute une journée. Respectez aussi les distances de sécurité, 1 mètre minimum, même en faisant vos courses ou à la sortie des écoles pour les parents. Ayez toujours sur vous du gel hydroalcoolique et lavez-vous les mains souvent. N'utilisez pas les transports en commun pour un court déplacement. Préférez marcher, c'est bon pour le corps, comme disait Damien. C'est bon aussi pour la santé, et même si vous pouvez, évitez complètement les bus, surtout aux heures de pointe, quitte à décaler votre trajet de quelques minutes. Évitez les magasins bondés en changeant vos habitudes d'une heure ou deux. Évitez les foules ou les groupements dans les rues passantes. Vous savez, il y a toujours une petite rue proche et moins bondée. Ne restez pas 2 heures dans une grande surface. Préparez vos listes de courses avant. Privilégiez les démarches administratives en ligne, par Internet, plutôt qu'en physique, dans les administrations et avoir à attendre des heures. Ne restez pas non plus enfermé chez vous. Prenez l'air, sortez, mais dans des endroits où il y a peu de monde. Préférez un petit parc ou un jardin, un centre commercial ou au centre-ville. Aérez bien votre logement aussi, régulièrement. La consigne est de 10 minutes toutes les heures, et d'autant plus si vous vivez en famille ou si vous recevez des parents ou amis. Vous l'avez tous vu, entendu ou lu, la situation sanitaire flambe comme jamais, avec le nouveau variant Omicron. Cela ne vous empêche pas de vivre, ni de râler non plus.

Mais voilà, c'est un rêve de petite fille d'écrire un livre. Donc j'ai écrit pas mal de poésie, pas mal de nouvelles étant plus jeune. Et en fait, ça s'est concrétisé quand j'ai déménagé dans les Vosges, qui est une terre d'histoire et notamment marquée par l'empreinte de la Première et de la Seconde Guerre. Étant une grande passionnée d'histoire aussi, c'était pour moi hyper important de pouvoir relater la période que je préfère, c'est-à-dire le XXe siècle, et d'associer du coup cette partie romancée à cette partie historique qui est riche à développer. D'accord, très bien. Et combien de temps ça a pris ce premier livre pour qu'il puisse voir, on va dire, la vie ? 4 ans. 4 ans de dur labeur pendant lesquels j'ai retravaillé encore et encore le texte. Donc que ce soit les scènes du coup, parce que bon, on parle d'un roman érotique aussi, donc que ce soit les scènes érotiques mais aussi les scènes historiques, puisque mon but c'était vraiment de faire voyager aussi le lecteur dans le temps. Donc je suis même allée rechercher les horaires de train, etc. pour pouvoir être au plus juste et coller au plus juste de la réalité. Donc même les textes, il y a des petits passages qui sont issus de journaux qui sont lus par certains personnages, donc qui ont vraiment été écrits, et c'est des passages réels de l'époque, quoi. Donc le but c'est d'apprendre sans avoir l'impression d'apprendre. D'accord, très bien. En quelques mots, de quoi parle ce livre ? Alors en quelques mots, du coup c'est l'histoire de Mathilde, donc 19 ans au moment des faits, ça commence en 1923. Donc Mathilde est une jeune fille assez naïve qui malheureusement va tomber amoureuse d'un garçon qui ne va pas lui rendre l'appareil et va succomber à certaines choses, ce qui va faire que Mathilde va être bien embêtée et va être contrainte de partir de son village natal qui se trouve dans le Limousin. Donc on en découvrira plus dans les prochains tomes par rapport à ça. Et donc qui va avoir la chance de rencontrer Edith, qui a à peu près le même âge qu'elle, mais Edith étant gravement malade, mais issue d'une famille très très fortunée, alsacienne d'origine allemande. On va du coup suivre les deux jeunes femmes dans leurs péripéties des années folles pour ce tome-là. Elles vont se découvrir en tant que femme, en tant que mère, etc., etc. Voilà. Que de suspense. Du coup, si j'ai bien compris, plusieurs tomes sont prévus. Oui, tout à fait. Mon but, c'était de pouvoir repartir vraiment sur la période historique de 1923-1956. Pourquoi cette période-là ? Puisqu'en 1923, Hitler a eu une tentative de putsch qui a raté. Et c'est là où vraiment la presse internationale a commencé à parler de lui. Et en 1956, les derniers prisonniers allemands sont repartis, rentrés chez eux. En tout cas, ceux qui ont pu, qui étaient du côté de l'URSS. C'est la date à laquelle ils ont pu rentrer chez eux. Donc le but, c'est de pouvoir vraiment traiter toute cette période-là, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et dans les circonstances actuelles, je trouve ça plutôt pas mal de se rappeler un petit peu la conjoncture historique, de savoir que bah, si ça avait été nous à cette époque, comment est-ce qu'on aurait réagi et quels auraient été nos choix et nos actions. Donc je trouve que finalement je l'ai commencé il y a 4 ans, mais c'est d'autant plus réel à l'heure actuelle pour beaucoup de choses qui se passent au sein de notre vie quotidienne. Donc voilà, donc l'idée, oui, c'est d'écrire au moins 5 tomes, peut-être 6, à voir selon l'inspiration. Je pense mettre moins de temps à écrire que pour le premier, les suivants, mais ça, tout dépendra de la vie qui m'attend. Et avez-vous déjà reçu des retours depuis décembre 2021 ? Alors, j'ai reçu pas mal de retours très très positifs. Beaucoup de personnes souhaitent déjà une suite. Bon, ce sera pas demain, je vous avoue. J'ai eu pas mal de retours positifs par rapport à la facilité, la facilité de lecture, par rapport du coup à la manière dont c'est tourné, etc. J'ai eu beaucoup beaucoup de bons retours, donc c'est super, mais je réalise toujours pas quoi. Donc, mais c'est hyper plaisant de savoir que les gens me lisent et apprécient ce qu'ils lisent quoi. Eh bien, écoutez, toute l'équipe de la Twin Team vous souhaite un succès, bien évidemment, et puis une très bonne continuation avec votre plume aussi. Et puis, en espérant vous retrouver dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, avec un second tome, qui sait. En tous les cas, on vous souhaite que de bonnes choses sur ce livre, bien évidemment. Et puis, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour nous parler un peu plus de ce livre, qui, je rappelle, s'appelle « Nos années folles », donc qui est écrit par Caroline Guimau et qui est disponible en édition papier sur Amazon, sur la plateforme Amazon sur Internet, mais aussi en édition audio, numérique, pareil, sur la plateforme Amazon. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci Loïc pour cette superbe interview et on te retrouve le mois prochain. En effet, alors à bientôt et puis à bientôt à tous les auditeurs. Et les amis, c'est bientôt la fin de l'émission, mais avant ça, nous retrouvons Lionel pour les anniversaires de nos stars préférées. Oui, du mois de janvier. Alors, sachez que Thierry Ardisson a eu 74 ans le 6 janvier. Albert Dupontel a eu 58 ans le 11 janvier. Étienne Dao a 66 ans aujourd'hui, le 14 janvier, tout comme le rappeur Jules, qui lui aura 32 ans. Richard Bourager, lui, aura 80 ans le 16 janvier. François Damiens aura 49 ans le 17 janvier, tout comme Françoise Hardy, qui, elle, aura 78 ans. Kevin Costner, le bel acteur, aura 67 ans le 18 janvier. Audrey Lamy, la belle actrice, aura 41 ans le 19 janvier. Benjamin Biolay aura 49 ans le 20 janvier, tout comme Gérard Hernandez, qui lui aura 89 ans. Michel Jonas, lui, aura 75 ans le 21 janvier. Didier Bourdon, des Inconnus, aura 63 ans le 22 janvier. Caroline de Monaco, 65 ans le 23 janvier, tout comme Christophe de Chavannes, qui lui aura 64 ans. Daniel Auteuil aura 72 ans le 24, tout comme Raymond Domenech, qui lui aura 70 ans. Richard Anconina aura 69 ans le 28 janvier, tout comme Michael Jones, le guitariste de Jean-Jacques Goldman, qui lui aura 70 ans. Phil Collins aura 71 ans le 30 janvier. Et n'oublions pas notre star des chroniqueurs, Loïc, qui a eu 29 ans le 3 janvier. Bon anniversaire, Loïc. Bon anniversaire, mon chouchou. Et quel marin aura 93 ans le 19 janvier et qui mange des épinards pour être le plus fort ? Popeye. Popeye, bien sûr. Et savez-vous pourquoi il s'appelle ainsi ? Parce que Popeye, en deux mots, et en américain, veut dire œil éclaté. Les restes sans doute d'une bagarre. Allez, joyeux anniversaire à vous qui fêtez votre anniversaire en janvier. À bientôt, bonne journée. Bah merci Lionel. Et voilà les amis, l'émission Les BPS est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous souhaite de nouveau une très bonne année. Dans quelques instants, il sera l'heure de retrouver toute l'équipe du 13 en forme pour les news et le mag. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur fatjet.net et nous envoyer vos beaux plans par mail sur gsa@arelia-asso.fr. Et nous, on se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit, pour de nouveaux bons plans solidaires. D'ici là, l'équipe vous souhaite une très belle journée sur FatJet 94.2 et surtout, prenez soin de vous et des autres. Ciao, bye bye. Salut.